neige. Et si j'y monte, je tomberai du toit. Comme Minon de ton monde et ton manège, qui me font tomber de dingue de toi. Je voulais que tu m'aimes, je voulais il y a des années de ça. Il fallait que tu reviennes, fallait-il ou dit, ne fallait-il pas. Le train, tu sais, de peu je l'ai raté, j'ai pris celui d'après, d'après ton lit. Et tombé, tombé, tombe en tombe la neige. Et si j'y monte, je tomberai de toi. Comme Minon de ton monde et ton manège, qui me font tomber raide dingue de toi. Il suffit d'un hiver, il suffit, mais dis pourquoi celui-là. Revenir en arrière, revenir maintenant ne se fait pas. Le train, c'est vrai, quand il m'a dépassé, j'ai changé de billet. J'ai dû te remplacer, tu vois le train qui vient. Après le chagrin, quand j'ai tendu la main, j'ai pu monter. Loin de moi ne m'a laissé de choix que celui de la voix. Je m'y revois pleurer, attendant l'été, je m'y revois penser au train passé. Et tombé, tombé, tombe en trombe la neige. Et si j'y monte, je tomberai du toit. Comme Minon de ton monde et ton manège, qui me font tomber raide dingue de toi.